Okay. Immer wieder. If it is not here, then people outside. Okay. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Oder auch irgendeiner der Leute, die vielleicht auch online zuhören. Doris. Oder? I said, I do fast, but I'm not fasting at the moment. Okay, you do fast. Yeah. Maybe that is why he's bringing this. Okay. Because I don't fast. Und vielleicht bringt ihr dieses Thema, weil einige von uns in der Gemeinde fasten. Weil beispielsweise ich faste nicht. What religion called fasting? Ich faste nicht religiös. Are you getting it? Donc, l'Éternel veut qu'on puisse parler de ce sujet, parce que moi, par exemple, je ne fais pas des jeûnes, je ne jeûne pas, et, mais pas selon la religion. Amen. Pas selon la religion. Religion have their own fasting. La religion a ses propres fasting. Parce que la religion a ses propres jeûnes, jeûnes de prière. Amen. Amen. And you have to forbid it. Und du sollst es verbieten. Et ça, on doit l'interdire. You know what they call fasting is going without food. Was sie fasten nennen, ist auf Essen zu verzichten. Parce que ce que eux ils sont en train de gêner. Ce qu'ils appellent jeûne de prière, c'est quand ils ne mangent pas. I go without food, but I don't fast. What they call fasting. Ich verzichte auf Essen. No, I don't call it fasting. Aber ich nenne es nicht Fasten. Oui, il y a quelques fois je ne mange pas, mais moi je n'appelle pas, je ne dis pas que c'est un jeûne de prière. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let Christ's word be your inheritance. Lass zu, dass das Wort von Christus dein Erbe ist und dass das reicht. Tu dois apprendre à l'Éternel à être à ton héritage et ça doit être suffisant pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. Under fast, you know what religion called fasting? You are under law. Wenn wir das praktizieren, was Religion Fasten nennt, sind wir unter dem Gesetz und werden niemals Christus gehorchen können. Wir werden Stimme hören, aber nicht die Stimme von Christus. C'est que la religion appelle faire des jeûnes de prière, ça c'est sous la loi, et tu vas entendre des voix, mais ça sera pas la voix du Saint-Esprit en fait. You don't work for inheritance. Denn man arbeitet nicht für ein Erbe. Parce que nous, on ne travaille pas pour avoir des héritages. All the New Testament, they are called inheritance. Inheritance means what you did not work for. Somebody worked for it, that is Christ. Altes und Neues Testament, es geht um ein Erbe. Beides ist ein Erbe, wofür du nicht gearbeitet hast. Du akzeptierst Christus und akzeptierst somit das Erbe. C'est que Jésus-Christ appelle l'héritage, c'est quand tu acceptes, c'est que lui, il a déjà souffert pour toi. C'est comme ça que tu acceptes ça. C'est comme ça que tu acceptes l'héritage. C'est pas que toi, tu dois faire quelque chose, être active. Praise the Lord. Matthäus 8. Ou mériter quelque chose. Matthieu 8. Don't fast to get anything from Christ. Faste nicht, um irgendwas von Christus zu bekommen. Es ist falsch. Faut jamais jeûner pour obtenir quelque chose du Christ. Ça, c'est mauvais. Matthieu. Amen. Matthieu 8, from verse 5-13. Matthäus 8, 5-13. Matthieu 8, 5-13. Oh, let me see. Yeah, it's about the centurion. We are down on the Wednesday. Amen. Hier geht es um einen römischen Hauptmann. Ici, il s'agit d'un capitaine romain. This man believed Christ without fasting. Dieser Mann hat Christus geglaubt ohne Fasten. Cet homme, il a cru en Dieu sans faire en Jésus-Christ sans faire des jeûnes de prière. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus even marveled about because of this man's faith. Und Jesus war sogar erstaunt über den Glauben dieses Mannes. Et même Jésus-Christ était étonné à cause de la foi de cet homme. There was nothing like fasting here. Da war kein Fasten mit. Mais il s'agissait pas des jeûnes ici. Amen. Amen. Since you know it already, then let us quickly go forward. Amen. Amen. He believed Christ's word. Er hat an das Wort von Christus geglaubt. Il a cru à la parole de Jésus-Christ. Because Christ's word is go to Hebrew 4. Das Wort von Christus ist Hebräer 4. On va lire Hébreux 4 pour voir qu'est-ce que la parole de Jésus-Christ. Christ's word is powerful enough. Das Wort von Christus ist kraftvoll genug. Parce que la parole de Jésus-Christ est puissante, ça suffit. Remember that man, the centurion, he says, speak the word alone, and it's done. Your word alone is final. an den Glauben des Hauptmanns. Er sagte, sprich einfach nur das Wort und das reicht. Parce que cet homme romain disait à l'Éternel Jésus-Christ, maintenant toi parle seulement et je sais que ta parole suffit, ça me suffit. Hébreu 4, donc il a cru à la parole de Jésus-Christ. Hébreu 4, 11 et 12. Hébreu 4, 11 et 12. Il dit, let us labor, therefore, to enter into the rest, that rest. Lest any man fall after the same example of unbelief. Let us labor to rest. Lass uns darum kämpfen, an das fertige Werk von Christus zu glauben, uns auszuruhen. Und auch einmal, ici nous dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Donc, on doit apprendre à se reposer en Christ. Gottes, dass es genug ist, dass es reicht. Et verset 12 nous dit que la parole de l'Éternel nous suffit. He said, for the word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joint and marrow, and is a discerner of the thought and intent of the heart. Amen. Praise the Lord. Car la parole de Dieu est vivante. You can see how powerful Christ's word is there. Ihr seht, wie kraftvoll das Wort von Christus ist hier. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénètre jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Donc tu peux voir comment elle est puissante, la parole de Jésus-Christ. Remember the centurion man. He said, speak the word. Because it's powerful enough. Sprich das Wort. Das reicht. Das ist kraftvoll genug. Cet homme romain disait que à Jésus-Christ, dis seulement parce que je sais que ta parole me suffit. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I don't know why you are fasting. Ich weiß nicht, weshalb du fastest. Moi, je sais pas, par exemple, pourquoi vous êtes en train de faire des jeûnes, des prières. Amen. Amen. I know why religion people fast. But I know why religious people fast. Aber ich weiß, weshalb religiöse Menschen fasten. Mais moi, je sais pourquoi les gens religieux sont en train de faire leurs jeûnes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Go to John, please. John 20. Johannes 20. Jean 20. Let's go to John first. John 20. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 19. Johannes 20 of 19. Jean 20, verset 19. To believe Christ is a decision. Christus zu glauben ist eine Entscheidung. De croire en Jésus-Christ, c'est une décision. Amen. Amen. Your fasting cannot make you be to believe Christ. Dein Fasten sorgt nicht dafür, dass du an Christus glaubst. Quand tu fais tes jeûnes de prière, ça ne va pas t'aider à croire en Jésus. Abraham never fasted, but he believed. Abraham hat nicht gefasst, aber er hat Christus geglaubt. Er hat nicht gefasst, um zu glauben. Abraham n'a jamais fait des jeûnes de prière, mais il a cru en Jésus Christ, en Dieu quand même. We just read of the centurion man also. Sonst wäre es da geschrieben gewesen, dass Abraham gefastet hat, um zu glauben, um der Glaubensvater zu sein. Aber das hat er nicht. Und la Bible appelle Abraham le père de la foi. Et mais on, la Bible nous a jamais indiqué qu'il a fait des jeûnes de prière pour croire. Donc ça signifie que pour croire en Jésus-Christ, il n'a pas besoin de faire des jeûnes. Wir haben gerade über den römischen Hauptmann gelesen. Et on a parlé de cet homme romain. Be careful of what you have been doing. Nehmt euch in Acht vor euren Gewohnheiten. Donc faites attention de vos habitudes. Praise the Lord. Hallelujah. Don't be used to Christ. Gewöhne dich einfach an Christus. Donc tu dois vraiment t'habituer au Christ. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled, for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, peace be unto you. Verse 30. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus to them again, peace be unto you, as my Father has sent me, even so I send you. Verse 22. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Praise the Lord. Receive the salvation. Amen. You can say, verse 23. He said, verse 23. Then he now said, whosoever sins you remit, they are remitted unto them. And whosoever sin you retain, they are retained. Praise the Lord. Hallelujah. I believe that. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 24. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. 25. The other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord. But he said unto them, except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of his nail, and thrust my hand into his side, I will not believe. The decision. C'est l'entscheidung. Donc ici on voit que il est en train de dire que si je ne vois pas moi-même la marque de ses clous, je ne veux pas croire. C'est une décision. Amen. It is a decision. C'est une Entscheidung, nicht an Christus zu glauben. Ne pas croire en Jésus-Christ, c'est une décision. Amen. Amen. And you know, this man took that decision, not to believe it until he sees. Dieser Mensch hat entschieden, nicht zu glauben, erst wenn er sieht. Cet homme, il a décidé, il s'est décidé à ne pas croire. Il veut seulement croire quand il va voir quelque chose. And after 8 days, again, his disciples were with him, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, peace be unto you. Then said he to Thomas, reach hither your finger, and behold my hand, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believe. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Verse 29. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. To believe Christ is a decision. Christus zu glauben ist eine Entscheidung. De croire en Jésus-Christ, c'est une décision. What about you? Was mit dir? Selon toi? You need to fast before you believe Christ. Musst du fasten, bevor du Christus glauben kannst. Et toi, est-ce que tu dois faire d'abord des jeûnes de prière pour croire en Jésus-Christ? You don't need to fast to get anything from Christ. Du musst nicht fasten, um etwas von Christus zu bekommen. Er hat den Preis schon bezahlt, mehr als genug. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose avant de devenir vers l'Éternel, parce que lui, il a déjà payé le prix pour toi, et ça, c'est suffisant. I've heard some say they fast to believe Christ. Ich habe gehört, dass einige Leute sagen, sie fasten, um Christus zu glauben. J'ai entendu quelques personnes dire que oui, je suis en train de faire des jeûnes de prière pour croire en Jésus-Christ. Das hört sich gut an. Oui, ça s'écoute bien. Ça semble bien. Mais c'est une lüge. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Praise the Lord. Hallelujah. The Father of faith believe God. Der Vater des Glaubens hat Gott geglaubt, ohne zu fasten. Le Père de la foi, il a cru, also Moïse ici, il a cru en Jésus-Christ sans faire des jeûnes de prière. Ah, the centurion might believe without fasting. Aber der römische Hauptmann hat auch geglaubt, ohne zu fasten. Tout comme le soldat. Romain, il a cru sans faire des jeûnes de prière. Christ's word is powerful enough to help us to believe him. Das Wort von Christus ist kraftvoll genug, um ihm zu glauben. Parce que la parole de Jésus-Christ, il est assez puissant à nous aider à le croire. It is backed by the power of the Holy Spirit. Es wird verstärkt durch das Wort durch den Heiligen Geist. Et la parole de Jésus-Christ est en train d'être renforcé ou bien supporté encore à travers le Saint-Esprit. Christ's word are not Moses' word. Das Wort von Christus und nicht das Wort von Mose. Et moi je parle de la parole de Jésus-Christ. Christ's word does not need your head. Das Wort von Christus braucht deine Hilfe nicht. Parce que la parole de Jésus-Christ n'a pas besoin de ta aide. Amen. Amen. Moses help. Moses word might need help, but not Christ's word. Das Wort von Mose braucht vielleicht Hilfe, aber das Wort von Christus nicht. La parole de Moïse a besoin de l'aide, oui, mais pas la parole du Christ. Christ's word is not an empty word. Das Wort von Christus kein leeres Wort. La parole du Christ, c'est pas une parole vide. Praise the Lord. On va lire Hébreux 1. Hébreux 1. Hébreux 1. From 1 to 3. Amen. 1 to 3. Praise the Lord. Hallelujah. Hébreux 1. Hébreux 1, 1 à 3. It's a God who at sundry times and in diverse manner spake in time past unto the fathers by the prophet too, hath healed these last days unto us by his son. Praise the Lord. Hallelujah. Through his son, we know him. Son fils qu'on lui connaît. We only hear the voice of Christ through the voice of the only true God. Wir hören die Stimme des einzig wahrhaftigen Gottes nur durch Christus. Nous, on entend toujours la parole de Dieu Tout-Puissant à travers son fils Jésus-Christ. He said in the past he spoke through the prophet, but now through his son. Hat er durch Propheten gesprochen, aber jetzt spricht er durch seinen Sohn. Dans le passé, il a parlé à travers des prophètes, mais maintenant il parle à travers son fils. He said, whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the world, who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power. He's holding everything with the word of his power. Haltet alles his fest durch die Wort, durch die Kraft seines Wortes. Donc, il nous dit ici que lui, c'est le Saint-Esprit qui soutient la parole de l'Éternel, de Jésus-Christ. Il soutient toute chose par sa parole puissante. His word is so powerful. Sein Wort ist so kraftvoll. Donc, sa parole est vraiment puissante. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Christ's word is powerful enough. Das Wort von Christus ist kraftvoll genug. La parole de Jésus-Christ est puissante et ça suffit. Non, d'arrêter. Und das es braucht keine Hilfe. Et il faut pas le sous-estimer, il n'a pas besoin de l'aide. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Peter 1:23. 1 Petrus 1:23. 1 Pierre verset 23. 1:23. Be born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Pierre 1 verset 23 nous dit que car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et l'éternel de Dieu. Amen. We are born by Christ's word. Wir sind geboren durch das Wort von Christus. Nous sommes nés à travers la parole de l'éternel. We have life because of his word. Wir haben Leben wegen seinem Wort. On a la vie à travers sa parole. Amen. He does not need your help, he only needs you to believe. Er braucht nicht deine Hilfe, er braucht nur deinen Glauben. Il n'a pas besoin de ton aide, il a besoin de ta foi. He does not need your sacrifice. Er braucht nicht dein Opfer. All he needs is you believe. Er braucht deinen Glauben. Il a besoin de ta foi. Amen. It is powerful enough to save you. Es ist kraftvoll genug. Sein Wort ist kraftvoll genug, um dich zu retten. Sa parole est si puissant que ça suffit pour te sauver. It is powerful enough to now help your spirit to now be Christ. Change your spirit that was once Satan. Es war kraftvoll genug, um deinen Geist umzuändern, zu verwandeln. Was ist größer als deine Rettung? Wenn es das getan hat, was kann es nicht tun? Donc la parole de Dieu était si puissante que ça suffit pour sauver ta vie. Donc ça signifie que si elle est puissante, elle est à tel point puissante pour sauver ta vie, quelle chose elle ne peut pas faire, sa parole? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Let us see qu'est-ce John plus grand que ta vie? Not 1 John, but John 1. Johannes 1. And Jean see 1. What the Bible said the word of God is. Let me see what Gottes Wort über aussi Bible, ça. Aussi Bible, ça, devant Gottes Wort. On va voir qu'est-ce que la Bible dit à propos de la parole de l'Éternel. Jean 1, 1 à 5. Praise the Lord. Alléluia. It's like in the beginning was the Word. Praise the Lord. Amen. And the Word was with God. You know, you can speak and that's your words, it's not you. But Christ, that's why Christ is so different. He himself is the Word that he speaks. Once he speaks, he himself is released. Und du kannst sprechen, ohne das zu sein, was du sprichst. Aber Christus ist so anders. Wenn er spricht, ist er das Wort selbst. Er setzt sich sozusagen selbst frei. Donc, la Bible nous dit qu'au commencement, c'était la parole et la parole était Dieu. Donc, la parole de l'Éternel, c'est vraiment différent. Parce que toi, tu es capable de parler, mais tu n'es pas ta parole. Mais l'Éternel, il parle et il est sa propre parole. Praise the Lord. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Er selbst war sein eigenes Wort. Genre, lui-même, il était sa propre parole. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. In him was life. Praise the Lord. Donc, en lui résistait la vie. You can say that his word is life. Is it then what is Leben? Donc, 4 nous dit qu'en lui résidait la vie. Et donc, on voit que sa parole, c'est aussi la vie. Is somebody getting something? Mm. He was life, and the life was the light of men. Mm. And the light shined in darkness, and darkness comprehended it not. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 4. The same verse 4 is in John 6, 63. John, look at verse 4. In him was life. That is the word. It's life. Das Wort ist Leben. Donc la parole est la vie. They go to John 6. Et cette vie était la lumière go des to hommes. John 6, 63. On va lire Jean 6, 36. 63. 6, 30, 63. Mm. Praise the Lord. Jean 6, 63. Amen. 63. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Amen. The same thing that is in John 1 verse 4. Das gleiche, was in Johannes 1 verse 4 ist. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair, elle seule, ne sert à rien. Les paroles que je vous dis que vous ai dit sont esprit et vie. C'est la même chose qu'il dit ici à Jean 1. Christ's word is spirit and life. Das Wort von Christus ist Geist und Leben. La parole de l'Éternel, c'est esprit et vie. All you need is just believe. Alles, was wir brauchen, ist einfach nur zu glauben. Mais la seule chose que tu as besoin, c'est de croire à cette parole. Praise the Lord. You know, so many times we even trust man more than we trust Christ. Oft vertrauen wir Menschen sogar mehr als wir Christus vertrauen. Mais quelquefois on fait confiance à l'être humain plus que faire confiance à Dieu. A lot of you are working. Viele von uns arbeiten. Beaucoup d'entre nous sont en train de travailler. You will not fast and pray so that your chef will pay you your salary. Wir fasten und beten nicht für unser Gehalt. Them, wir vertrauen diesem Arbeitgeber. And at the end, he'll pay you. Und wissen, dass er wird uns zahlen. Nous, on fait pas des jeûnes de prière pour qu'en à la fin que notre chef nous donne nous donne notre salaire. Non, on part seulement au travail et on croit qu'il nous a déjà donné il va nous donner ce salaire. You will not fast to believe your chef before he pay you. Amen. But your heart is so hardened towards Christ that until you fast, you cannot believe him. Wir müssen nicht fasten, um zu glauben, dass unser Arbeitgeber uns rechtzeitig zahlen wird, aber wir müssen fasten, um Gott zu glauben, um Christus zu glauben. Das ist traurig, dass unser Herz so verhärtet ist, dass wir Et nous, mais nous, quand il s'agit de l'Éternel, on veut toujours faire des jeûnes de prière parce qu'on ne fait pas confiance à l'Éternel qu'il prend déjà soin de nous sans Amen. Faire quelque chose. You know, you never see yourself as a liar. If you see yourself as a liar, you will fast before he pay you. Amen. Du siehst deinen Chef nicht als Lügner, weil wenn du das tust, willst du fasten und beten und eventuell sogar irgendwann kündigen, weil du weißt, es ist nicht sicher, es ist nicht safe, dass ich da was bekomme. Toi, tu ne vois pas ton chef comme un... comme un menteur, parce que si tu pensais que tu ne faisais pas confiance à ton chef, tu n'allais même pas travailler là-bas. You fast for what you don't have. Du fastest um Dinge, die du eben nicht hast. Das ist die religiöse Welt. Parce que la religion est en train de faire des jeûnes de prière pour ceux qu'eux, ils n'ont pas encore obtenu. Aber Jesus sagt, wir haben alles. Mais Jésus-Christ nous dit qu'on a déjà tout, donc il s'agit de lui. Wenn wir ihn haben. Quand on a Jésus-Christ, oui. It is a pity that we see Christ as a liar. Es ist traurig, dass wir Christus immer noch als Lügner sehen. Et c'est vraiment pitoyable qu'on continue à voir les Jésus-Christ comme un menteur. That until we fast, we don't have what he have for us. Erst wenn wir fasten, dann haben wir das, was er für uns hat, oder dann bekommen wir das, was er für uns hat. Und das ist aber traurig und bösartig. C'est vraiment pitoyable parce que nous on pense toujours que dès qu'on est en train de faire des jeûnes de prière, c'est là que notre prière est vraiment efficace et on peut avoir obtenir ce qu'on veut. Romains 10, verset 17. Romans 10:17. Look at where the Bible says faith is coming from. On va voir d'où vient la foi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. It says, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mm-hmm. It comes by hearing, mm-hmm. and not by fasting. Es kommt durch Hören und nicht durch Fasten. C'est richtig krass hier. Donc la foi naît du message que l'on entend. Et ce message vient par la parole de l'Éternel, de Christ. Donc, comment naît la foi, en fait? Nothing can replace the truth. Nichts kann die Wahrheit ersetzen. Il n'y a rien qui est capable de remplacer la vérité. Always replace the truth with your fasting. Aber ständig ersetzt man die Wahrheit mit Fasten. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de remplacer la vérité avec les jeûnes de prière. Amen. Ensemble, we even had it. It's like circumcision of the old. So the old was about circumcision. Amen. And now it's about fasting. No circumcision. No one talk about circumcision today. Und andere Leute fügen es hinzu. Ne? Sie fügen ihren eigenen Glauben, aber auch das Fasten hinzu. Und genauso ist es auch mit der Beschneidung von früher. Früher haben sich Leute beschnitten. Und da ging es immer darum, dass Leute sich immer beschneiden wollten, um zu Gott zu gehören, um Gott zu glauben. Aber heute ist das Fasten das große Thema. Donc avant les gens disaient que oui il faut faire des jeûnes de prière parce que dans l'Ancien Testament ils ont fait ça aussi mais dans l'Ancien Testament ils ont aussi fait des circoncisions de la chair mais aujourd'hui on le fait plus, on le fait presque plus, mais quand il s'agit de faire des jeûnes de prière, nous sommes vraiment des premiers qui les font. Amen. They replace the truth with fasting. Sie ersetzen die Wahrheit mit dem Fasten. Ils sont en train de remplacer la parole, la vérité, avec les jeûnes de prière. Amen. Jesus called the truth. Jean 8. Freedom. Jesus nennt die Wahrheit Freiheit und nicht Fasten. Jean 8. Jésus-Christ appelle la vérité, la liberté, et pas faire des jeûnes. How we are free? We are free by obeying the truth. Wie sind wir frei? By believing the finished work of Christ. Der Wahrheit glauben. Comment nous sommes libres? Comment est-ce que nous sommes libérés? C'est quand on croit à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, qui est sa parole en fait aussi. Problems are not solved by fasting in the kingdom of heaven. Problems sind nicht gelöst durch Fasten im Königreich des Himmels. Dans le royaume des cieux, les problèmes ne sont pas résolus quand tu commences à faire des jeûnes de prière. They are solved by knowing the truth. Sie sind gelöst, indem wir die Wahrheit kennen. Ils sont résolus dès que tu connais la vérité. What Christ called the truth and not what religion called the truth. Was Christus die Wahrheit nennt und nicht was Religion die Wahrheit nennt. C'est que le Christ appelle vérité et pas ce que la religion appelle vérité. In a religious world, everything is solved by fasting. In the religious world, wird alles durch das Fasten. Have you ever watched it? Durch dein Opfer. Everything is solved by fasting. Everything. L'église religieuse est en train de résoudre toutes sortes de problèmes à travers des jeûnes, des prières. Amen. They use fasting for everything. Nutzt das Fasten für alles. Ils utilisent faire des jeûnes, des prières pour tout, en Mark fait. Two. Marcus 2. Marc 2. Marc 2. Marc 2. Marcus 2, 18. Marc 2, 18. Who's Who help us to read? Lord Toby, can you help us to read it? The disciples of John and of Pharisees were fasting. Then they came and said to him, "Why do the disciples of John and the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. You can see for them everything is fasting. Donc tu vois que les disciples ici, de Jean-Baptiste, pour eux, ils s'agissaient toujours de faire des jeûnes de prière. C'est pour cela qu'ils sont venus se plaindre à Jésus-Christ et dire, mais à lui demander pourquoi tes disciples ne font pas les jeûnes. Praise the Lord. Amen. In Christ what? Christ is everything. Le règne de Christ est Christ alles. Et dans le vue de la dans le monde religieux, pour eux, il s'agit toujours de faire des jeûnes de prière. Truth is enough. Mais chez nous, dans le monde du Christ, la vérité, ça suffit. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." Jésus a dit, "Je suis le chemin, la vérité, et la vie." Car Jésus-Christ a dit que je suis la vie, le chemin et la vérité, dans Jean 16. Christ is everything in the kingdom of heaven. Christ ist alles im Königreich des Himmels. Jésus-Christ est tout dans le royaume des cieux. Stop walking by your flesh. Fais auf, nach deinem Fleisch zu wandeln. On doit arrêter de marcher selon notre chair. Praise the Lord. Hallelujah. We stop here, please. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.